Debout les morts, de Fred Vargas. Adaptation, Claire Leluerne. 9e épisode. Les événements se précipitent pour nos trois enquêteurs amateurs après que Don Pierre a été retrouvé mort sur le parking de son hôtel. Alexandra figure à nouveau sur la liste des suspects, d'autant que Juliette l'a entendu prendre la voiture cette nuit-là pour une destination inconnue. Marc décide alors d'aller avec Lucien consulter les archives du père de Sophia pour suivre la piste de Don Pierre. Ils comprennent que son père a été un critique musical qui s'était montré très dur avec la cantatrice et l'avait même éreinté pour sa Traviata. Ils découvrent que Sophia a été sauvagement agressée avant une représentation de cet opéra, sans que le coupable ait jamais été identifié. Enfin, sur une photo de la distribution, Marc et Lucien reconnaissent quelqu'un. Georges, le frère de Juliette. Ouais. Je peux ? Ah, 22... Les annonces de l'orage aujourd'hui ou demain. On pourrait peut-être se faire une petite partie de balayière. Ah, bah, pas ici en tout cas. Ils t'ont donné le bureau le plus pourri du commissariat exprès, le Guénec ? Ou t'as tiré au sort. Ça te manque jamais. L'ambiance. Le petit café dégueulasse. Les plats du chinois. Hein? Je parie que ton estomac est en manque de graisse saturée. Oh, tu rigoles. Notre voisine d'en face a un resto presque aussi délicieux que ses petits bras blancs. Non, la seule chose qui me manque, ce serait de bonnes nouvelles pour Alexandra. Elle persiste à dire qu'elle n'est pas sortie. Mais j'ai trouvé un petit truc infaillible. On va être vite fixé. Tes petits neveux sont à cran, hein? Il n'y en a qu'un qui est à moi. Je ne leur ai encore rien dit. Je ne voudrais pas gêner ton enquête. Mais ils devaient bien se douter que tôt ou tard, vous alliez découvrir que la Siméonidis avait un passif avec eux. On ne demande quand même pas à n'importe qui de creuser dans son jardin. Vous ne savez toujours pas quand l'enterrement pourra avoir lieu? Toujours pas, non. Pour l'instant, c'est encore un peu compliqué de rendre à la famille les débris. Voilà, les débris. On peut dire ça comme ça. Les joies du métier. Pourquoi? Tu comptes aller à l'enterrement? Mais je voudrais voir si Rolivou va s'effondrer. Compte là-dessus. Ce mec est incroyable. Sa femme est morte. Eh ben, ça n'a pas l'air de le perturber plus que ça. C'est une tactique comme une autre, hein. Parfois, l'assassin n'essaye même pas de jouer la comédie. Il se dit que ça va brouiller les pistes. L'assassin... Je pense, j'y crois pas trop. Je ne t'ai pas parlé de ce que j'ai trouvé chez lui hier. Il m'a proposé de prendre un petit café et une chose en entraînant une autre, j'ai trouvé ça. Ce sont les clés de la voiture de Sophia. Olivo avait un double planqué chez lui. Un petit café? Ah ben moi, j'ai vu ça, je me suis dit que ça pouvait peut-être t'intéresser, hein, c'est tout. Rolivo jure qu'il n'a pas pu toucher la voiture de sa femme parce qu'il avait passé les clés à Alexandra. Mais en fait, il en a un double. Mais bon, hein, après moi, je dis ça, je dis rien. Tu sais que vous vous êtes trompé dans le diagnostic avec tes petits-neveux. Il n'y en a qu'un qui est à moi. La maîtresse, pas très résistante à l'interrogatoire d'ailleurs, faut le dire. Eh ben, elle se contente pas de distraire Rolivo le week-end. Ah non? Non. En fait, c'est plutôt elle qui le manipule. On a du mal à le croire, mais bon. Elisabeth est avec un autre Gus depuis 3 ans. Tu me fais marcher. Pas du tout. Le pauvre Rolivo les fait vivre. Elle et son amant, son vrai, son amant de cœur, qui ne voit aucun inconvénient à s'éclipser le week-end pour lui laisser son petit samedi dimanche. Ce con de Rolivo ne se doute de rien. Ils se sont même déjà rencontrés tous les deux. Il croit que c'est son frère. Oh, oh, oh, oh. Ah non, mais là, à ce niveau, c'est de l'art. La coquine dit que la situation lui convenait comme ça. Et c'est vrai que, vu sous cet angle, je vois pas trop ce qu'elle aurait gagné à un vrai mariage avec Rolivo. Bref. Tu peux dire à tes neveux que j'aimerais les voir avant la fin de la semaine. Chez nous? Non, ici. On va faire un truc un peu plus officiel. Ok, je leur dirai. Mais il n'y en a qu'un tout à moi. ça y est, enfin, vous êtes rentré. Alors, t'es déjà là, Mathias? Bah, il est tard, je vous signale. Il n'y avait personne, alors on a fermé plus tôt. Le tonton n'est pas là? Non. Il est reparti à la conquête de Le Guénec, ce sont ses mots. Merde. Bon, bah tant pis, on peut pas attendre. Attendre quoi? Vous avez trouvé quelque chose à Dourdan? Ah bah c'est le moins qu'on puisse dire. On sait pourquoi Sophia a arrêté de pousser la chansonnette. Regarde cette photo. Tu reconnais personne? Jeune. C'est Georges. C'est Georges qui a contribué. Mais c'est dingue! Sophia n'a pas porté plainte et ils n'ont jamais arrêté personne. Exactement comme pour le père de Don Pierre. Et mon oncle te dirait que quand les gens ne portent pas plainte, c'est souvent qu'ils connaissent leur agresseur. En même temps, si tu dis que l'un des deux suspects était son demi-frère... Franchement, je crois pas que Julien soit capable de grand-chose. Cette histoire a eu l'air de l'avoir vraiment traumatisé. Non. Ils nous ont tous fait plutôt bonne impression, le père, même la belle-mère. Ils avaient l'air de beaucoup tenir à elle. Mmh. Alors que Georges n'a jamais cru bon de préciser qu'il connaissait Sophia depuis longtemps. Exactement. Pour une fois, c'est nous qui allons demander des comptes au tonneau. Ça me fait plaisir de vous avoir chez moi. Bon, c'est pas le Pérou, mais c'est confortable. Et ça me permet d'être à l'heure au boulot, pas comme certains. Oui, bah pardon. Du thé, ça ira? Oui. Je suis désolée, j'ai pas grand-chose d'autre. Merci. Mais si vous voulez, on peut descendre au resto? Non, ici, c'est très bien. Ton frère est là? Non. Pourquoi? Vous vouliez le voir? Oui, ça nous aurait vraiment fait plaisir. Ah bon? Moi, je suis contente que vous l'appréciez. Il est tellement timide. Parfois, c'est un peu compliqué avec les gens. Oui, l'impression. Comment ça? Tu savais que Sophia avait été agressée en 98? Hein? Avant une représentation de la Traviata? Par ton frère. Qu'est-ce que vous racontez, ça va pas? Arrête. Il faisait partie de la troupe de Sophia. On a retrouvé des articles chez son père. Regarde. On t'a rapporté une photo de famille. Tu reconnais? Elle a été prise à la Générale de l'Opéra qui a brisé la carrière de Sophia. D'accord. C'est Georges sur la photo. Et après, quel est le problème? Ah ben je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez les gars? On pourrait demander à Le Guénec. Oui, on a qu'à demander à Le Guénec. Ah, bonne idée. Juliette, je peux emprunter ton téléphone? Arrêtez ça, c'est bon. Écoutez, c'est pas ce que vous croyez. Alors c'est quoi? Dis-nous. Si tu sais quelque chose, Juliette, tu ferais mieux de nous le dire. Il est peut-être encore temps d'aider ton frère. Vous ne pouvez pas l'aider. Personne ne le peut. Georges a toujours eu des problèmes avec les filles. Quand on était petits, il fallait que je le pousse, rien que pour qu'il leur adresse la parole. Bon, on a tous connu ça. Non. Chez lui, c'était vraiment maladif. Et en grandissant, ça a été de pire en pire. Il est devenu de plus en plus maladroit, de plus en plus pressant, même inquiétant pour certaines filles. Elles venaient me parler et je devais calmer le jeu. Il ne savait pas comment s'y prendre. Comment il a rencontré Sophia? Quand je suis descendue à Paris, il m'a suivie, il m'a toujours suivie. J'ai commencé à faire des ménages, et lui, il s'est mis dans la tête de faire du théâtre. Il a trouvé des petites figurations. Il se débrouillait pas mal. Il a été pris plusieurs fois dans des opéras où Sophia tenait le premier rôle. C'est là qu'il a commencé à faire une fixation sur elle. Une fixation? Il était complètement obsédé par Sophia. Il refusait tous les rôles, même mieux payés, pour être avec elle et suivre sa saison. Mais Sophia, elle, ne s'intéressait pas beaucoup à lui. La frustration peut entraîner beaucoup de problèmes chez certains, c'est même très fréquent. Non, c'est mon frère, je le connais. Malgré son problème relationnel, Georges est doux, craintif, il n'aurait jamais levé la main sur elle. Cette agression, ça l'avait complètement secoué, il a tout arrêté après ça. Ah, décidément, il y en a du monde qui a tout arrêté après ça. Il a tout arrêté, mais 20 ans après, vous habitez en face de chez Sophia? Je parie que c'est Georges qui a trouvé le restaurant à racheter. Après avoir abandonné l'opéra, Georges a trouvé une place de coursier dans une maison d'édition. Et de fil en aiguille, il est devenu commercial. J'étais soulagée. Je me suis dit qu'il était passé à autre chose. Mais pas du tout. Il a acheté tous les disques de Sophia. Tous, sans exception. Et il se les passait en boucle. Il guettait son retour sur scène. Tous les jours, il épluchait les revues spécialisées à la recherche d'un spectacle. N'importe quoi. Rassurant. Oui, c'est sûr qu'il avait l'air d'aller mieux, il n'y a pas de doute. Mais qu'est-ce que je pouvais faire? C'était pas bien méchant. Ça le rendait triste. Mais c'était seulement à lui qu'il faisait du mal. Et après? Qu'est-ce qui s'est passé? Mon grand-père est mort et on a touché cet héritage. Georges m'a dit qu'il avait repéré une belle maison avec un jardin en plein Paris. Qu'on pouvait y monter une affaire. J'ai été emballée. Jusqu'à ce que je découvre le nom de notre voisine. Sans blague. Et tu n'as rien dit? Bien sûr que si. On s'est engueulé. Je voulais tout revendre. Mais c'était pas possible. Avec tous les travaux déjà engagés au tonneau, on n'avait plus les moyens de reculer. Il m'a juré qu'il ne l'aimait plus, que c'était un hasard. Et tu n'as pas cru bon de prévenir Sophia? Je la connaissais pas à l'époque. Et Georges m'avait fait jurer de ne rien dire. Il avait trop honte après tout ce qui s'était passé, il l'appréhendait. Il était encore bouleversé par cette histoire et il m'a dit qu'au contraire, voir Sophia tous les jours allait l'aider à sortir de ça. Quand Sophia l'a reconnue, on a fait les étonnés et on a tous beaucoup ri de cette incroyable coïncidence. Je ne crois pas que Le Guenec aimera beaucoup cette coïncidence. Tonton oncle. Pardon, j'ai vu de la lumière, je suis entré. Oui, mais si vous ne lui dites rien, Le Guenec ne saura jamais que Georges était dans la troupe. Mais Juliette, tu te rends compte, on peut pas couvrir un truc comme ça. Il a raison, Saint-Mathieu. Mais ne t'inquiète pas, on va t'entraîner comme pour Alexandra. Hein, les gars? Oui, ça a bien marché pour Alexandra. Il était où, ton frère, par exemple, le 3 juin? J'en sais rien. Bah, c'est le jour où on a découvert le corps de Sophia. Tu dois bien t'en souvenir. Il était ici ou en voyage? Ici? Non. J'étais tout seul au tonneau, je m'en souviens très bien. Juliette, fais un effort, c'est pour toi qu'on fait ça. Dis-nous tout avant que Le Guenec ne te l'arrache, crois-moi, ça vaut mieux. Ok, c'est vrai, Georges n'était pas là. Il était parti. À Caen, je crois. Il est revenu le lendemain pour déjeuner. Mais ça ne veut rien dire. Il est tout le temps en voyage. Je vous en prie, je sais qu'il ne l'a pas agressé, vous devez me croire. La croix? J'en sais rien. C'était pas pour le défendre, mais Georges n'était pas le seul à se balader la nuit où Dampierre a été tué. Comment ça? Alexandra aussi était dehors, je vous rappelle. Elle avait pris la voiture de Juliette. Non. Alexandra nous a dit la vérité. Elle n'est pas sortie cette nuit-là. Mais le moteur était encore chaud à 2h du matin, je l'ai senti. Justement, c'est là où ça devient intéressant. Le Guenec a demandé une analyse de sang pour voir si Alexandra avait bien pris les somnifères comme elle l'affirme. Et les résultats sont positifs. Alors, c'est forcément Georges qui a utilisé la voiture. Vous allez en parler à Le Guenec? On n'a pas le choix. De mon côté, je vais tâcher de ne pas trop vous en vouloir pour votre petite escapade à Dourdan. Nous sommes à la recherche de Georges Gosselin. Est-ce qu'il est chez vous? Thérèse! Qu'est-ce que vous faites? Nous cherchons Georges Gosselin, madame. Je répète, est-il dans l'appartement? Thérèse! Non! Non, il n'est pas là! RAS, lieutenant, aucun suspect dans la maison. Rien non plus, tout non. Ok, les gars, le suspect s'est tiré. On remballe. Oui. Absolument pas comment ça peut être possible que Georges soit l'assassin. Mathias, si Georges s'est tiré, c'est bien qu'il a un truc à se reprocher. Peut-être, mais il y a quand même une chose que je trouve bizarre. Écoutez l'histoire. Georges essaye de violer Sophia dans sa loge il y a 18 ans. Il est dérangé par papa Dompierre. Il se sauve. Et Sophia ne dit rien? Pourquoi elle ne dit rien? Mystère. Mais c'est terrible, mais je pense qu'elle a cru que c'était Julien. Eh ben, ça devait être sympa, l'air pas de famille. Bon, admettons. Plus d'un an après... Le critique recroise Georges à un concert de Sophia et il le reconnaît. Georges flippe. Cette fois, il n'est plus sous pseudo. Il se dit qu'il est foutu et il bute papa Dompierre alors qu'il est avec son copain Frémontville. Et alors? C'est quand même complètement disproportionné. Ça me paraît beaucoup plus grave de buter deux mecs que d'être inculpé pour coups et blessures. Mais pour toi? Mais tu as oublié la tentative de viol. T'as bien vu ce que nous a dit Juliette. Si Georges crevait de honte pour ses pulsions, être arrêté pour tentative de viol, pour lui, c'était peut-être pire que d'être accusé d'un double meurtre. C'est sûr. Un psychopathe comme ça, n'importe quoi peut le faire basculer. D'accord. Et alors, il y a un mois, c'est quoi qui l'a fait basculer? Pourquoi il aurait pété les plombs du jour au lendemain, si longtemps après? C'est peut-être le concert anniversaire, ça lui aura rappelé des souvenirs. Il y en a bien qui sont maladivement obsédés par la Grande Guerre. N'empêche que le profil psychologique de Georges n'est pas frais. Les flics! Qu'est-ce qu'il y a? Les flics! Ils sont débarqués chez Juliette à 6h du matin, ils ont tout foutu par terre, ils cherchaient Georges. Ben voilà. C'est l'horreur. Et Juliette, ça va? Ben, elle est dans tous ses états. Je voulais l'aider, mais elle m'a fichu dehors. Je sais pas quoi faire. Georges donnait à manger à mon fils, vous vous rendez compte? Et maintenant, il a disparu. Si ça se trouve, on saura jamais ce qui est arrivé à ma tante. On peut pas en vouloir à Juliette d'avoir voulu le prévenir. J'aurais fait pareil avec toi. Tu veux qu'on fasse un tour? J'ai pas de voiture, mais bon. Marcher, j'aime bien aussi. Eh, tu sais ce que j'aimerais là tout de suite maintenant? Dis-moi. N'importe quoi, on le fait. J'aimerais m'asseoir au pied de l'arbre qui a tant inquiété Sophia. Au pied du hêtre? Mais comment tu veux qu'on fasse? Reliveau est pas là. On va pas escalader la grille. Et tu as bien dit n'importe quoi. Oh. Ça va? Tu vois, à cœur vaillant, rien d'impossible. Viens t'asseoir. Il en aura vu de belles, cet arbre. Le hêtre, c'est l'arbre de la patience. Il peut encaisser, t'inquiète. C'est juste dommage qu'il puisse pas parler. Tu sais ça, toi? Bah ouais, j'ai fait des études d'agro à un moment. J'ai pas continué, mais j'ai suivi les cours suffisamment longtemps pour vous dire que vous avez fait du bien à ce jardin, les gars. Ma tante aurait été contente. Mais comment ça, du bien à ce jardin? Regarde cette terre limoneuse. Elle est ancienne, ça se voit. Vous avez brassé la terre profondément en creusant votre tranchée. C'est bon pour un jardin. Pourtant, quand on s'est arrêté, on pataugeait dans une espèce de terre noire. On n'a jamais traversé de couche limoneuse. Je vois pas comment ça aurait pu se mélanger à l'humus récent. Mais tu as dit que les flics avaient creusé après vous? Oui. Depuis la fenêtre, on avait l'impression qu'ils n'étaient allés que jusqu'à mi-cuisse. Mais apparemment, ils ont creusé beaucoup plus profond. Et dis-moi, tu te souviens de cette comptine? Ça fait marabout, marabout, marabout, bou, bou. Oui, je me rappelle. Et il y a quoi après lait de vache? Oh, alors ça, je ne me rappelle plus. J'aimerais bien apprendre de belles choses à mon fils. Et même ça, j'en suis incapable. Je vais pas ouvrir le tonneau aujourd'hui. Arrête, je suis venu voir comment tu allais. Comme quelqu'un dont le frère est en cavale. Écoute, laisse ça, on va t'aider à ranger. Certainement pas. Vous avez balancé mon frère à Le Guenec, je veux plus vous voir. Juliette, tu sais bien qu'on n'avait pas le choix. Tiens, quand on parle du loup, regarde, il est là encore, Le Guenec. Pourquoi il emmène l'oncle? Ils vont sans doute réfléchir tous les deux au meilleur moyen d'envoyer mon frère en prison pour 20 ans, autour d'un petit café. Si Georges est innocent, Le Guenec le découvrira, ne t'inquiète pas. Mais si c'est lui? Tu préfères que je te laisse? Non, toi tu peux rester. T'es fier de ton boulot, Van de Fleur? Georges Gosselin est introuvable. Mais tu tiens ton coupable. Non, tu vas finir par le retrouver. Je ne crois pas que ce soit un expert de la CIA. Tu lui as donné combien d'avance? Enfin, Le Guenec, tu sais bien que... Te fous pas de moi, t'es un pourri, Van Dossler. Réponds-moi ou je te promets que ça va aller très, très mal pour toi et pour tous tes petits seins. Georges a combien d'avance sur nous? 3 heures. Bordel de merde, je le savais. Mais jamais j'aurais dû te faire... Mais 3 heures, c'est le minimum qu'on puisse donner à un homme, Le Guenec. Mais pourquoi t'as fait ça? Hein? Me dis pas qu'à 68 berges, t'es encore prêt à faire des conneries pour une nana qui a la moitié de ton âge! Eh oh, oh, oh, oh, n'exagère pas, hein? Chef, un nouveau témoin dans l'affaire Simeonidis. Mais elle est bouclée, l'affaire Simeonidis, t'es con, quoi? Non, je sais, chef, mais c'est le type qui a pris sa voiture très tôt dans le parking de l'hôtel Danube. Celui qui est parti sans voir le corps de Don Pierre. Qu'est-ce que tu veux que ça me foute? Il veut quoi? Des indemnités? Je vous assure, vous avez très envie d'écouter ce qu'il a à dire. Moi, en tout cas, j'ai très envie. Il est ici? Oui, il dit que c'est très urgent. Eh ben, fais-le entrer. Allez, fais-le entrer. Monsieur Masson. Tu peux laisser ta place, s'il te plaît. Alors, je m'appelle Éric Masson. Je suis chef de service à la Sodeco Grenoble. Je descends toujours à l'hôtel Danube. L'établissement ne paye pas de mine, mais j'ai mes habitudes et c'est pas trop écoutez, loin. Monsieur Masson, c'est très gentil à vous de vous être déplacé, mais j'ai pas tellement le temps d'écouter. Bref, j'y étais la nuit où le type a été tué. Oui. Le pire, c'est que j'ai pris ma voiture alors que le corps était juste à côté. Et j'ai rien vu. Oui, nous sommes au courant, monsieur. Oui. Alors, je suis allé directement à la Sodeco et le lendemain, j'ai fait pareil. Le stage s'est terminé seulement hier soir. Mmh. C'était une formation de 3 jours. Oui. Que... Et tout à l'heure, Je me suis arrêté dans un garage pour faire le plein avant de rentrer à Grenoble. Alors, il se trouve que mon réservoir est du côté de droite. Bon, allez, ça suffit. Maintenant, Van Dossler va vous... Non, mais attendez, je vous explique. Il faut bien que je vous explique. C'est pour vous dire que tout à l'heure, j'ai fait le tour de ma voiture pour la première fois en 3 jours. Et là, j'ai vu qu'il y avait un truc décrit sur le bas de la carrosserie. Je me suis d'abord dit que c'était des gosses qui avaient fait ça. Mais quand j'ai voulu me pencher pour lire, c'était tellement bas qu'il a carrément fallu que je m'accroupisse. Je me suis dit que c'était bizarre quand même. Les gosses, d'habitude, ils écrivent « sale » sur le pare-brise. Ils se couchent pas au ras du sol. Alors, qu'est-ce qu'il y avait décrit ? Oui, qu'est-ce qu'il y avait décrit ? C'était un nom. Pas très net, mais lisible. Et c'est là que j'ai compris. C'est votre type. Dompierre, c'est ça ? Oui, c'est ça, Dompierre. Il a écrit ça sur ma voiture au moment de mourir. Je parie qu'il n'est pas mort sur le coup, n'est-ce pas ? En effet. Eh ben voilà. Il a eu le temps d'écrire le nom de son assassin dans la poussière. Et je peux vous dire que c'est pas celui du type que vous recherchez. Comment vous savez que quel... J'ai vu le nom sur les affiches. Heureusement qu'il n'a pas encore plu, hein. Mais faut vous dépêcher, ils annoncent de l'orage. Mais elle est où, votre voiture ? Elle est là, en bas, en double fil. Vous avez laissé une pièce à conviction en double fil dans la rue ? On fonce. On fonce. Figurez-vous qu'on m'a pas laissé entrer dans la cour du commissariat ! C'est carré n'importe comment. Encore heureux qu'il soit pas fait embarquer sa bagnole. J'en dégoûte. Il faut protéger la voiture de la pluie, quoi qu'il arrive. Il est où le technicien des signes et traces ? Il me faut un mec pour les photos, tout de suite. Il y a quelque chose en de se faire. Non. Il a dit que c'était petit, sous le réservoir d'essence. Eh ben, doucement, moi je suis pas contorsionniste. Hein. Qu'est-ce qu'il faut que les scientifiques ? Donne-moi ta veste, toi, manie. Non, mais j'ai plus l'âge de mouler sur les bagnoles, moi. Ah voilà, attends, je vais le truc. Quoi ? Oh putain. Putain de bordel de merde. Quoi ? Nom de Dieu, le Guénec. Tu ne vas jamais croire ce qui est écrit. Lucien au fourneau. Un jour à marquer d'une pierre blanche. Les écrevisses, c'est ma spécialité. Je ne tolérerai aucun sarcasme. Les écrevisses volées. Justement, c'est ça le secret de Marcette. Rassemblement général. Mais qu'est-ce qui se passe ? Inutile de gueuler comme ça, on est déjà tous là, je vous signale. Ils ont trouvé Georges, je parie, hein ? C'est ça ton oncle ? Ils ont trouvé Georges ? Pas du tout. Ne nous dites pas qu'il y a un Maccabée en plus. Oh mon Dieu, il y a encore quelqu'un de mort. Qui ? Alexandra ? Oh mon Dieu, c'est Alexandra, c'est ça ? Oh, oh, oh, oh, du calme. Alexandra va bien, elle va même beaucoup mieux. Mais dis-nous ! Figurez-vous qu'au moment où il agonisait... Dompierre a eu le temps d'écrire le nom de son assassin dans la poussière de la carrosserie d'une voiture. Hein ? C'est dingue, c'est pas possible ce truc. Le propriétaire vient seulement de découvrir l'inscription. Et alors, quel nom il a écrit ? Accrochez-vous bien, je vous préviens, ça va vous secouer. C'était... Debout les morts, de Fred Vargas, dans une adaptation de Claire Leluerne. 9e épisode, avec Manuel Valade, Marc. Duncan Evenou, Mathias. Emmanuel Suarez, Lucien. Patrick Zimmermann, Van Dossler. Edith Baldi, Juliette. Élodie Hubert, Alexandra. Olivier Clavry, Le Guénec. Laurent Lederer, Éric Masson. Justin Blancard et Yoli Fuller, les policiers. Bruitage, Bertrand Amiel. Musique originale, Dominique Massa. Conseillère littéraire, Emmanuelle Chevrière. Prise de son, montage et mixage, Claude Niort, Pierre Henry. Assistant à la réalisation, Vivien Demeyer. Réalisation, Sophie Haute-Picon. Debout les morts, de Fred Vargas, est publié aux éditions Viviane Amis.